Bonjour à tous. Aujourd'hui, bugne craquante pour 4 personnes. 250 g de farine type 45, 40 g de sucre en poudre, 70 g de beurre fondu, 2 œufs, une pincée de sel, un peu d'eau, zeste de citron ou d'orange, sucre glace et huile de friture. Mélangez la farine tamisée avec le sel et le sucre. Ajoutez beurre fondu, les œufs et les zestes. On peut ajouter, si on le désire, un peu de fleur d'oranger. Mettre en boule et laisser reposer au frais 3 heures. Étalez la pâte le plus finement possible. Découpez la pâte en belle forme avec une roulette ainsi que le centre. Passez à la friture à 180 degrés. Belle coloration. Égouttez sur du papier absorbant et saupoudrez de sucre glace. Se déguste avec un bon café ou un cidre doux fermier à boire avec modération.